Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec le terrorisme, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a ces 3 jours de janvier 2015 où des terroristes ont assassiné 17 personnes au journal Charlie Hebdo, parmi les forces de l'ordre et dans un hypermarché cachère. Ils ont précédé les attentats de novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts, les 86 victimes de Nice, les 5 de Strasbourg et nos vies ont été changées. Alors pour commencer, les personnages. Une femme qui est partie, une autre devenue méfiante, un homme passé tout près, un maire sur le terrain, une psy devenue prof, un historien, une dessinatrice en colère et 2 juristes pas dupes. Ensuite le décor. La ville, la peur, l'état d'urgence, un tatouage, des exercices, la mémoire, une école, un discours et des lois antiterroristes. Aujourd'hui, 3e épisode, des sirènes partout. Vivre avec le terrorisme, rien n'est plus comme avant. Par Séverine Cassard et Alain Lefkovitch. Je m'appelle Léa, j'ai 32 ans et j'habite en Picardie. Alors pourquoi avoir quitté Paris ? Je pense que les attentats ont été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est tout un rapport à la ville de Paris qui est un rejet, mais qui, le 14 novembre, est devenu pour moi impossible. Enfin, la décision était prise, quoi, ce jour-là. Cette histoire-là de peur, de réflexe, de méfiance que j'ai pas envie d'avoir, en fait, et que je me retrouve à avoir voilà, dans le métro, dans la rue, le sentiment d'un climat super lourd. Il se trouve que mon fils naît en octobre 2015. Donc évidemment, le rapport à la ville change aussi à ce moment-là. Enfin, tout ce que je décris là, du bruit, d'un climat pesant, sont démultipliés par la naissance d'un enfant et par le fait de vivre avec un enfant tout petit. À ce moment-là, je pense que Paris, qui est vraiment ma ville, devient un territoire étranger, du coup. Il y a vraiment un truc qui se décolle. Le 11 septembre 2001, j'étais médusé devant les écrans de la rédaction de France Culture, qui diffusait en direct les images de CNN, montrant les tours jumelles de New York percutées par 2 avions. Une violence inouïe qui faisait s'effondrer le World Trade Center, le symbole de l'Amérique. Une phrase m'avait alors échappé. C'était la monnaie de notre pièce. Comprendre, c'était la conséquence des politiques que l'Occident menait, au nom de ses intérêts, dans certaines parties du monde, comme en Afghanistan. Quelques années plus tard, et quelques guerres menées au nom de la liberté, au nom du bien contre le mal, les terroristes frappaient à Toulouse, des enfants juifs, des militaires, puis chez moi, en janvier 2015, à la rédaction de Charlie, à l'hypercachère de la Porte de Vincennes, à Montrouge, et en novembre au Bataclan et à certaines terrasses du 10e et 11e arrondissement de Paris. J'étais désormais cet homme moderne, emporté par une crise d'angoisse existentielle, comme le personnage du Cri de Munch, adaptant la citation de l'artiste aux circonstances. Je me promenais lorsque tout d'un coup les rues de mon quartier devinrent rouges sang. Je m'arrêtais, je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Rien ne serait plus comme avant. C'est sans doute ce qui a poussé ma vieille amie Marion à quitter cette ville souillée de sang et au-dessus de laquelle dansaient des langues de feu. Le départ de Paris, il y a plein de raisons, il n'y a pas que les attentats, mais disons que les attentats de 2015, Charlie et novembre, ça a été un moment pour moi où je me suis plus sentie bien dans cette ville qui était vraiment la mienne parce que j'y habitais depuis que j'avais 10 ans. Et j'habitais un peu au cœur de cette zone qui a été touchée, le 11e arrondissement, et c'est vrai que je me suis sentie bêtement en insécurité en fait dans cette ville-là. Et ma grande angoisse, ça a été de plus être là pour ma fille, partir le matin, lui dire au revoir et ne pas revenir le soir. Et finalement, tout ce qu'on a raconté sur ces attentats, c'était beaucoup d'histoires comme ça. C'est-à-dire que les attentats de novembre, c'était beaucoup de gens qui avaient mon âge, qui avaient des enfants petits comme moi, qui sont partis boire des coups avec des copains ou partis à un concert et qui sont jamais revenus et qui ont laissé leurs enfants en plan. Et donc, j'ai eu peur. Et je me suis mis à avoir peur au quotidien, c'est-à-dire que pendant des mois, et encore jusqu'à ce que je quitte Paris il y a quelques semaines, c'est vrai que j'avais des réflexes dans le métro de regarder les gens, de les dévisager. J'ai plusieurs fois changé de wagon quand je voyais des gens qui ressemblaient par exemple au portrait robot des mecs qui avaient commis les attentats, etc. Et je m'en voulais beaucoup de ça. Pourquoi on s'en veut de ça ? Je m'en veux parce que je me trouve d'abord raciste, c'est-à-dire que c'était simplement pour moi du délit de faciès. Donc oui, je m'en suis voulu d'avoir ces pensées-là. J'avais même des espèces de stratégies un peu pour me rassurer, de me dire je voyais un mec avec une longue barbe en train de lire un texte religieux en arabe dans le métro. Et je me disais non, ça doit pas être un terroriste parce que il serait pas autant à découvert. Enfin, il serait coupé la barbe, il serait habillé à l'occidental. Si c'était un terroriste, il se cacherait. Là, du coup, c'en est pas un. Donc je me rassurais un peu comme je pouvais. Et vraiment, ce truc de changer de wagon, je me suis dit, mais t'es folle, ma pauvre, quoi. Mais plusieurs fois, j'ai changé de wagon. Alors, j'imagine qu'on en parle beaucoup. Vous en avez parlé à qui de cette peur à votre entourage? Vous avez été consulté? Qu'est-ce qu'on fait pour l'apaiser, à part le travail du temps? J'ai pas cherché à apaiser. Moi, j'ai attendu que ça passe. Si c'était pas passé, si ça s'était pas atténué, j'aurais sans doute fait quelque chose. Mais là, je dirais que ça va un peu mieux. Non, vraiment, j'ai pas d'autre réponse que le temps et peut-être cette réflexion sur le fait de changer de vie, de changer d'environnement, de plus habiter en plein cœur de Paris, ou en tout cas de certains quartiers de Paris. Non, c'est ça, moi, la piste que j'ai suivie, je dirais. De toute façon, moi, j'en ai jamais beaucoup parlé. C'était une espèce de petite peur qui était là tout le temps, mais je pense que j'évitais d'en parler aussi. Pour éviter que ça devienne quelque chose qui prenne trop de place, j'évite d'en parler, en fait. J'en fais un truc intime, quoi. C'est en moi. Jonas Pariente, cofondateur du collectif Les Voisins de Charlie dans le 11e arrondissement de Paris. Charlie Hebdo, donc là on est à peu près à, je dirais, 100 mètres de là où ça s'est passé. Et j'étais là où on est actuellement, c'est-à-dire dans un bureau. Il y avait ma belle-sœur et mon stagiaire, Jules. Et en gros, on a entendu une sorte de bruit métallique très fort. J'ai cru que c'était un échafaudage, moi, qui s'était effondré. Et du coup, je suis sorti dans la rue pour voir... ce qu'il en était, juste à la droite. Et en gros, il y a un type qui courait vers nous en disant il y a des coups de feu. Et on est resté un petit instant là dans la pièce du fond, quoi, en attendant de comprendre ce qui se passe. Donc, pas trop possible d'oublier, quoi. Et les attentats du 13 novembre, mon deuxième enfant, ma fille, est née quelques jours avant. Et en fait, on venait de rentrer de la maternité. Donc, je m'en rappelle bien aussi. Alors pourquoi avoir créé un collectif et ce livre-là que j'ai devant moi qui s'appelle « Reprenons notre souffle ». Il fallait reprendre son souffle, ça veut dire quoi ? Alors, c'est deux mouvements en fait. Le mouvement du collectif, c'est quelque chose d'assez spontané en fait. Le maire du 11e a fait une sorte de réunion quelques jours après Charlie Hebdo, dans le gymnase juste à côté. Et donc la parole circulait comme ça dans la salle. Et il y a une autre femme dans l'assemblée et moi qui avons pris la parole pour dire qu'en fait, cette réunion nous faisait du bien et que ça semblait nécessaire et que probablement qu'il fallait prolonger ça. C'est-à-dire que là, par exemple, donc, pour revenir au bouquin qui s'appelle « Reprenons notre souffle », ça correspond aux besoins, je dirais. En fait, tout le monde avait des besoins, quoi. Il y en a qui étaient plutôt, finalement, plutôt silencieux et qui, je pense, qu'ils avaient juste besoin d'entendre parler les autres ou de se retrouver. Il y en a qui avaient besoin de parler. Il y en a chez qui ça a mis longtemps, voire qui ne s'en sont pas tout à fait remis, quoi. D'autant qu'après, dans le livre, c'est pas tant la marque de ce qui s'est passé de terrible, mais plutôt ce qu'on a fait fleurir par-dessus ça, quoi. Donc d'abord, on s'est dit qu'on allait occuper l'espace. Elisabeth, une des membres centrales du collectif qui fait de l'art-thérapie, a proposé de repeindre les poteaux dans la rue, invitant les parents à venir avec leurs enfants repeindre. Et donc on avait l'autorisation de la municipalité et tout, donc on avait fait des trucs un peu dans les règles. Et c'était un moment vraiment, vraiment magique, quoi. La première, parce qu'on en a fait plusieurs, mais le tout premier, c'était extraordinaire. De voir des gens qui se connaissaient pas, des gamins, des vieux, etc., à la fois s'amuser à repeindre les poteaux dans la rue, à faire de la craie sur le sol, à jouer, machin. Enfin, c'était devenu une sorte de jardin, quoi. De jardin joyeux. De chanter aussi. Parce que du coup, une autre membre pilier qui s'appelle Lydia, qui fait de la chorale et tout, qui est une femme d'une énergie assez remarquable, a un peu poussé tout le monde à chanter. Elle avait imprimé plein de chansons, etc., pour qu'on chante tous ensemble. Sa fille chante très bien aussi. Donc, elle était venue avec un copain guitariste. Et donc, c'était très, très, très émouvant de vivre ça et de ne pas laisser cet endroit comme une sorte de très grosse cicatrice, comme une très grosse balafre. L'idée, c'était vraiment de se dire que la mort n'avait pas le dernier mot dans cette histoire, quoi. François Vauglin, je suis le maire du 11e arrondissement de Paris. Ce qui a été compliqué, c'est, pour moi, ça a été de pouvoir réunir les gens pour reconstruire la solidarité, reconstruire du lien. Quand vous habitez la rue de Charlie Hebdo ou le quartier, que vous avez un attentat de cette importance, avec tous ces morts, donc avec d'abord les terroristes, ensuite le déploiement policier et les pompiers, les médecins, etc. Et puis qu'ensuite, non pas pendant un jour ou deux jours, mais pendant des semaines et des semaines, vous avez les gens du monde entier qui viennent dans votre rue pour poser un dessin, pour poser un objet, pour mettre des fleurs, une bougie, et que toute la presse du monde entier est là aussi, vous êtes dépossédé de votre quartier. Et les habitants de ces rues se sont retrouvés complètement étrangers chez eux. Pour l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai pu réunir les habitants du quartier, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'état d'urgence avec les règles telles qu'on les a connues après le Bataclan. Cette réunion, elle a été essentielle. Elle a permis aux gens du quartier de se retrouver ensemble et de reconstruire du lien social. Au cours de cette réunion, il y avait les pompiers, les policiers, ils ont été acclamés. Il y a eu des enfants qui ont parlé, des adultes, enfin chacun avec ses mots, c'était très émouvant. C'est là que je me dis, voilà, vivre ensemble, c'est pas un mot creux, surtout dans ces moments-là. Je vous raconte cette histoire parce que l'état d'urgence, les règles avaient changé, et après les attentats du Bataclan, on n'a pas pu faire cette réunion. Pourquoi on vous a refusé cette possibilité-là? C'est quoi le sens? État d'urgence, interdiction de réunion. Voilà, il n'était pas possible de faire de réunion publique avec plusieurs centaines de personnes. Rappelez-vous, hein, dans les jours qui ont suivi, les rassemblements étaient interdits. J'ai demandé au préfet, je lui ai dit, écoutez, il y a un besoin. Il disait, non, c'est pas possible, on ne sait pas s'il y a encore des terroristes, des cellules encore actives qui peuvent frapper. Donc le préfet qui me dit ça, je n'ai pas le choix. Je sais bien que, et puis je le savais très bien à l'époque, que pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas faire ça. Mais je pense que s'il y a une expérience à tirer de ces attentats, c'est de ne pas zapper cet épisode, c'est pas facultatif. Et là, ça a été vraiment un manque. Alors, 4 ans, 5 ans après, comment s'est remis le quartier ? Ça va bien parce que c'est une ville résiliente. Mais c'est vrai qu'il suffit de gratter un petit peu, hein. Quand vous discutez avec les gens dans le quartier, ça revient assez vite. Avec, en général, un vécu qui est un peu apaisé par rapport à ça. Mais vu le nombre de victimes qu'on a eues, quand on cumule Charlie Hebdo, plus le Bataclan, plus la Belle Équipe, plus la Bonne Bière, plus le comptoir Voltaire, enfin bref, tous les lieux qui ont été des lieux d'attaque, ça fait des centaines de personnes qui ont vécu ces attentats, certaines qui sont blessées, parfois lourdement handicapées. Le 11e, c'est petit, c'est 4 km², hein, c'est vraiment petit. Donc vous croisez forcément des gens qui ont perdu un proche, qui ont été blessés, qui psychologiquement ont eu des séquelles. Donc oui, c'est forcément présent. m'appelle Carole, j'ai 37 ans, je suis nancéenne et j'aime beaucoup Paris. Et dans mon ancien métier, j'étais psychologue clinicienne avant. Tous les ans, au mois de novembre, j'allais au congrès de psychanalyse jusqu'au 13 novembre 2015. J'allais à mon congrès, comme tous les ans, ce qui était aussi l'occasion et l'excuse d'aller voir un couple d'amis parisiens que j'aime beaucoup, et eux viennent à Nancy régulièrement. Et sauf que c'était déjà pas normal ce week-end-là, parce que cette fois-là, ils n'étaient pas là. Donc ils m'avaient laissé les clés de leur appartement, et mon mari avait réussi à prendre sa journée, il travaillait à l'hôpital, il avait même pris son week-end. Et donc le soir, on se rend à notre spectacle à 21h au Palais des Glaces. Et c'était Jean-François Carrel, l'humoriste. Et il commence son spectacle en disant que depuis les attentats de Charlie Hebdo, il faut faire extrêmement attention. Qu'on va quand même devoir parler un petit peu des cons, des terroristes, que c'est pas bien parce qu'on prend des risques, mais qu'on va le faire quand même. Et c'est très drôle. Enfin, moi, cet humour décalé, un peu cynique, j'apprécie beaucoup. Et à ce moment-là, retentissent des bruits. Et tout le monde, je crois, enfin, j'en sais rien en fait, mais moi, je me dis, la vache, il va loin, il a une bande-son, quoi. Et ça me fait marrer, en fait. Jusqu'à la fin du spectacle, où là, il y a un salarié du théâtre qui vient nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'effectivement, c'était pas une bande-son, qu'il y a une fusillade en cours dans la rue, qu'il faut qu'on reste là. Alors il y a des gens qui veulent absolument sortir, les portes avaient été refermées et eux voulaient sortir, et nous on savait pas trop quoi faire et on sait pas ce qui se passe, on comprend rien en fait. C'est la sidération, je pense, psychique, enfin la vraie, c'est-à-dire qu'on vous annonce un truc et votre cerveau sait pas quoi faire. Et puis on nous dit qu'on va nous faire sortir à l'aide de la police 10 par 10 et puis qu'il faudra très vite remonter la rue. Et le type nous dit, surtout, vous regardez pas en face de vous et vous regardez pas au sol, parce qu'il y a des corps. Donc là, ce soir-là, on remonte, les stations de métro sont fermées, il n'y a aucun taxi qui est disponible, en tout cas, il ne s'arrête pas. Et pendant ce temps-là, je crois qu'on a marché des kilomètres et des kilomètres. Paris, on connaît plutôt bien, enfin, pas des quartiers qui nous sont étrangers. On se perd complètement. Il y a un taxi qui jette une dame et qui nous voit et qui accepte de nous prendre en disant « Mais je voulais juste rentrer chez moi, je veux prendre personne. » On lui donne l'adresse de là où on va, donc on repart dans le 15e. Il sait même plus où c'est. Je crois qu'il roule pendant plus d'une heure, une heure et demie. Et pendant ces kilomètres-là, tout change à ce moment-là, je crois. On rentre chez nos amis, on entend les hélicoptères, on continue à avoir des gyrophares partout. Moi, la seule chose que je me dis, parce que je ne sais pas trop quoi faire, c'est que je vais aller prendre un bain avec un bouquin. Et puis, ce bouquin-là, bah, il aura toute une symbolique, parce que depuis, quand je dis que tout a changé, c'est j'ai changé de métier. Je suis rentrée, j'avais mon cabinet avec mes patients. Très, très vite, je me rends compte que j'arrive plus à les soigner, que probablement, dans ma posture, j'induis des angoisses. Enfin, je prends la conscience que j'ai trop de failles à ce moment-là. Et plutôt que de me dire je m'arrête, je me pose, parce qu'on n'arrête pas un cabinet libéral comme ça, non, financièrement non plus, je décide de tout arrêter et je décide de passer le CAPES pour devenir prof, parce qu'il n'y a pas plus actuel qu'un bouquin du 16e ou du 19e pour mettre des mots sur ce qu'on a vécu. On y était, on n'y était pas, on est des victimes, on n'en est pas, je n'ai pas de réponse à cette question. Et en même temps, qu'est-ce qu'on est, quoi ? On est des témoins, mais des témoins qui, pour lesquels... tout a changé. Il n'y a pas de statut pour ça, il n'y a pas de mot pour ça. Et c'est à nous de nous débrouiller avec ce qu'on a incubé de ce soir-là et ce qu'on peut en faire aujourd'hui. D'ailleurs, ce que ça a changé aussi, c'est que j'ai toujours voulu un tatouage. Mais j'avais bien conscience qu'il fallait le réfléchir, quoi. La question du tatouage, ça se réfléchit bien. Et donc, juste avant les attentats de Paris, j'étais allée voir un tatoueur et on avait commencé à dessiner quelque chose. Et donc, j'ai un petit bracelet très fin dessiné sur mon bras avec les symboles de ma vie. Mais les symboles, il y a presque que moi et mes très proches qui peuvent décrypter ce tatouage. Et ben, j'ai fait rajouter une tour Eiffel. Et c'est pas la tour Eiffel du tourisme, quoi. C'est pas la tour Eiffel de représentation de je ne sais quelle valeur de la France. Même si c'est éblouissant, la tour Eiffel, c'est majestueuse, tout ce qu'on veut. Mais ma tour Eiffel à moi, c'est pas ça, quoi. C'est cette nuit-là. Paris, c'est cette nuit-là. Et ça restera cette nuit-là. En mémoire des victimes blessées et assassinées des attentats du 13 novembre 2015. 13 novembre 2019, devant le Bataclan. Aux 90 vies fauchées en ces lieux. Dès après l'événement, se construit très rapidement une mémoire, à la fois la mémoire individuelle et la mémoire collective. Et on a déjà des phénomènes assez spectaculaires. Denis Péchanski, historien, responsable avec le neuropsychologue Francis Eustache de l'étude 13 novembre, programme de recherche transdisciplinaire, dont l'objectif est d'étudier la construction et l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015, et en particulier l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. En 2 ans, sur la mémoire des lieux du 13 novembre, on a un effondrement des références au Stade de France et aux terrasses. Tout se concentre soit sur un mot qui permet de dire « oui, on sait, mais on ne sait plus très bien où », c'est Paris, soit le Bataclan. Et donc, pour ceux qui ont subi le Stade de France, les terrasses, ils ont l'impression qu'on les oublie. Et ils nous le disent, c'est-à-dire que ce qu'ils nous disaient, c'est retrouver dans une étude d'opinion, donc finalement ce qui est au plus proche de ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective des attentats du 13 novembre 2015. C'est quand même stupéfiant. Alors pourquoi les attentats du 13 novembre provoquent-ils ce type de mémoire collective alors que Charlie, quelques mois plus tôt, ou l'hypercacher, ou en 2012 les attentats de Toulouse, n'ont pas provoqué ce genre de construction de la mémoire? Je reviendrai sur le cas de Mera qui est très particulier en 2012. Mais ce qui se passe là en 2015, entre janvier et novembre, là aussi, là, une étude récente qu'on a menée avec le CREDOC montre que il y a une sorte de concentration mémorielle autour du 13 novembre. Et janvier décroche. Alors quand même qu'on a vécu en janvier la plus grande manifestation de tous les temps dans l'histoire de France, avec ce fameux dimanche où tout le monde s'est retrouvé après cette série d'attentats. Charlie, Hypercacher et les policiers. Et pourtant, cet événement décroche dans la mémoire collective, sauf en janvier. Quand on réactive par les médias, par les commémorations, la mémoire de cet événement extraordinaire, là, on voit remonter la référence à janvier. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison qui pourrait expliquer ça? C'est la question du « je suis Charlie » qui a clivé la société française. Il y avait ceux qui étaient Charlie, il y avait ceux qui n'étaient pas Charlie. Et derrière ce clivage, c'est le clivage de la société tout entière qui s'exprimait finalement. Je crois effectivement que ça renvoie d'ailleurs à la définition de la mémoire collective et qu'effectivement, au moment de Charlie, il y a des segments de la société qui ne se sont pas reconnus dans ce combat. Et d'ailleurs, il y a eu un travail de fait par quelqu'un qui travaille avec nous là sur une des composantes, un des volets de notre programme 13 novembre, qui est Sébastien Ledoux, qui a publié un papier sur la minute de silence. Lui, il compare janvier et novembre. En janvier, ça s'est mal passé. Il est clair qu'il y a toute une série de bahuts où il y a eu des réactions qui montraient que la solidarité était loin d'être unanime. Bon. Dans les mêmes bahuts, le 13 novembre, les mêmes gamins sont venus voir les profs qui étaient stupéfaits. Et leur ont dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on chantait la Marseillaise. Si on chantait la Marseillaise. Donc non seulement il y a eu la minute de silence, mais on a retissé en quelque sorte l'unité nationale autour de cet événement. Parce qu'ils se sont sentis directement concernés, parce qu'on est venu, non seulement on a attaqué des jeunes de leur âge, c'est une chose, mais plus encore, on est venu chez eux, au Stade de France. Ça, je pense que pour ceux qui ne se sentaient pas spécialement solidaires des journalistes de Charlie Hebdo, et encore moins des juifs de l'hypercacher ou des policiers, là, il y a quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient pas passer à côté. Alors ça veut dire quoi en termes de mémoire collective du coup? Quand on parle de mémoire collective, il faut savoir à quelle échelle on se place. Quelle est la mémoire des policiers, tiens. Si vous demandez aux policiers quel est l'événement qui les a le plus marqués depuis 10-15 ans, puisqu'on leur a posé aussi la question, puisqu'on a interviewé beaucoup de policiers aussi, mais ils vont tous nous parler de Magnanville. Qui aujourd'hui en France se souvient de Magnanville? Ça va être 1%. À l'époque, le premier sondage 2016, on avait 10% sur Magnanville. 2018, juin 2018, 1%. Mais en revanche, si je pose la question aux policiers, tous vont me parler de Magnanville. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où on vient assassiner des policiers chez eux, un couple de policiers devant leurs gosses, en plus. Et ça, c'est quelque chose qui les a profondément traumatisés, profondément marqués. Ils vont tous avoir ça en tête. Pensons à d'autres événements. Tout le monde se dit, ah oui, l'affaire Mera. C'est terrifiant. Vous vous rendez compte que vous avez en 2012 un attentat d'une horreur absolue. Personne ne se souvient du nom des victimes. Tout le monde se souvient du nom du terroriste. Au point qu'il est devenu, dans certains quartiers, un héros. Ce serait pas mal d'ailleurs pour les personnes qu'il considère comme un héros qu'on leur montre ce qu'on ne pourra jamais montrer. Ce que les caméras de surveillance ont capté de la façon dont il a égorgé les gosses. Ça, personne ne le verra. Et pourtant, quelques années plus tard, Trèbes, Beltrame, lieutenant-colonel, devenu colonel de gendarmerie, et qui se sacrifie suite à l'attaque d'un terroriste à l'intérieur d'un supermarché. Discours du président de la République aux Invalides. Très beau discours, d'ailleurs. Dans ce discours, il dit explicitement, et ce que tous les médias vont faire aussi, je ne veux pas qu'on se souvienne du nom du terroriste, je veux qu'on se souvienne du héros. Et vous, moi, moi-même, qui suis spécialiste de ces questions-là, je suis incapable de vous dire le nom du terroriste. En revanche, combien cite le nom de Beltrame ? Alors pour conclure, revenons à votre travail. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue en termes de récit de cette mémoire ? En fait, ce qu'on voulait, c'est d'essayer de comprendre comment se construit la mémoire avec le temps. Et donc, on va au maximum essayer d'interviewer les mêmes personnes. Été 2016, été 2018, été 2021, plus 5 ans, été 2026, plus 10 ans. Parce que je m'étais dit, sur ce pan-là, c'est moi qui avais eu cette idée-là, je suis historien de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si j'avais pu avoir 1000 entretiens de personnes sortant de la Deuxième Guerre mondiale en France, avec des expériences les plus différentes, en 45, en 47, en 1950 et 1955, les mêmes personnes, si j'avais pu analyser, construire cette mémoire, ça serait quand même fabuleux. Parce que l'idée, c'est, dans ce triangle mémoire individuelle, mémoire collective d'un événement traumatique, comment elle évolue avec le temps. C'est pas l'événement qui est l'objet de notre recherche, c'est la mémoire de l'événement. Ce qui fait d'ailleurs que, quand on nous parle de rapport à la vérité, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité du témoin, y compris quand le témoin se trompe. C'est une autre façon de faire de l'histoire, en quelque sorte, ou de la sociologie. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Restez calme. Soyez attentifs et faites silence. Mettez en place les mesures de sécurisation. Alerte intrusion. Alerte intrusion. Restez calme. Soyez attentifs et faites silence. Depuis les attentats de 2015, tous les enfants de France et de Navarre sont soumis à un exercice appelé PPMS, plan particulier de mise en sûreté que nous décrit ce chargé de sécurité d'une académie qui souhaite garder l'anonymat. C'est un plan particulier de mise en sécurité de l'établissement scolaire face à un risque qui est celui de l'intrusion armée, qui peut être celui d'une bande violente ou d'une personne qui arriverait avec des intentions dangereuses vis-à-vis d'une école, et ça va jusqu'à l'attentat. Donc c'est en fait la capacité de l'école à se protéger en se préparant par des exercices notamment, exercices qui sont précédés d'une réflexion qui permet de prendre en compte l'environnement de l'établissement ou de l'école, le nombre d'entrées, la solidité des ouvertures, et donc de maximiser et de regarder un petit peu les travaux complémentaires qui doivent être faits pour aboutir donc à une meilleure sécurisation. Et ça comporte évidemment un volet pour l'école ou pour le collège ou le lycée qui va aboutir à l'acquisition de réflexes, qui est très important, de la communauté éducative face à ce risque d'intrusion avec deux options. L'option fuite, lorsque c'est possible, et l'option confinement, lorsque c'est la réaction qui apparaît la meilleure au regard de l'événement particulier qui se produit. Alors comment on fait pour mettre en place ce type de dispositif sans que ça soit anxiogène pour les enfants ? Bien, déjà on l'explique, On explique que face à ce risque particulier, eh bien, on n'est pas complètement démunis et qu'au contraire, par la volonté finalement, quelque part, de faire face, hein, ce qui me semble être plutôt positif, en adoptant des mesures assez simples, on va pouvoir aboutir à un résultat qui peut être quand même globalement efficace, quoi. En même temps, c'est assez irrationnel quand la chose arrive. Il peut y avoir des moments de panique, il peut y avoir des terreurs, on se dit ça y est, c'est à notre tour. Oui, effectivement, mais ça, on ne l'empêchera pas. On le voit sur d'autres événements majeurs qui peuvent se produire. En revanche, je pense qu'on a vraiment cette obligation de tenir un langage de vérité, de ne pas occulter les risques, de le faire de manière mesurée. Je crois qu'en tant qu'adulte responsable et en tout cas en charge de la sécurité de nos élèves, on a ce devoir de vérité et je crois que c'est ce devoir que nous exerçons. C'est quelque chose que vous mettez en pratique, vous ? Alors effectivement, nous sommes tous, nous enseignants, mais aussi tous les personnels en fait, hein, des établissements scolaires sont liés à faire 2 PPMS par an. Bien moi je les fais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai trouvé une stratégie très efficace pour pas les faire, c'est-à-dire que je vais voir mes chefs et je leur dis je veux pas le faire. Parce qu'il me semble que moi je sais comment je réagirais si ça arrivait, puisque ça m'est arrivé déjà une fois, et que en plus... Je trouve que c'est pas juste, de la justesse, hein, je parle pas de la justice, la justesse par rapport aux enfants. Bien sûr que le discours, il est entendable, comme pour l'exercice incendie, il faut mettre en pratique pour que chacun ajuste ses comportements, et plus on va entraîner les uns et les autres, plus le jour où ça arrivera, on saura comment réagir. Alors moi, je crois pas une seconde, parce que on oublie en fait l'aspect psychique, et notamment celui de la sidération. On peut s'entraîner des milliards de fois à se faire tirer dessus. Bah, veut dire, le jour où ça arrive, notre cerveau, il est certainement pas entraîné, pas entraînable, et tant mieux en plus. C'est un peu différent, à mon avis, hein, que l'exercice incendie. Enfin, on ne se préparera jamais à se faire tirer dessus. Enfin, ça me paraît être une aberration absolue, y compris intellectuelle. Maintenant que le ministère pense qu'il faille préparer la population... Mais est-ce qu'elle prépare en fait la population à se mettre en sécurité, en sûreté, ou est-ce qu'elle prépare la population à se dire qu'à nouveau, ça arrivera, quoi? Et ça arrivera certainement dans les écoles. Dans l'échelle du pire, c'est quoi le prochain palier? C'est qu'on vienne assassiner des enfants. Ça s'est déjà produit en France. Ça se produira peut-être à nouveau. Je m'appelle Inès, je suis argentine, j'habite à Paris depuis 20 ans. Vous vous souvenez du premier attentat, celui de Charlie Hebdo ? Oui, oui, bien sûr, je me rappelle. Bon, moi, j'étais à Paris, ça m'a vraiment touchée particulièrement parce qu'il s'agissait des artistes, non ? Des dessinateurs. Parce que moi, bon, je dessine, je suis un peu artiste aussi. Toucher les artistes, c'est quelque chose de vraiment très fort. Et après ça, c'est de voir surtout les militaires dans la rue, bon, c'est cet état d'urgence, et surtout la méfiance aussi. Et vous, votre attitude, c'était laquelle ? Moi, j'étais vraiment... Je commençais à être énervée. Je ne supportais pas. Pour moi, c'est inadmissible. Je ne pouvais pas comprendre que ça arrivait ici, à Paris. J'étais vraiment très fâchée. J'ai détesté Hollande avec tout mon cœur. Et même, bon, je vais dire une chose, mais j'ai beaucoup de peine pour les terroristes. Toi, ils ne me font pas peur. Je ne vois pas la folie dans ses yeux. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un peu fort, ça, mais ça me brise le cœur que ces jeunes se fassent sauter comme ça, ou deviennent kamikazes, ou deviennent des tueurs de champs, parce qu'ils n'ont pas la place dans cette société. C'est là aussi la base de mon état de colère, non ? Et vous étiez à cette grande marche blanche après les attentats de Charlie ? Non. Non, je déteste tout ça aussi. Parce que je déteste tous les comportements massifs comme ça. Je ne suis pas acheté Charlie non plus. Parce qu'après les attentats, tout le monde il est sorti acheter voilà, Charlie Hebdo. Mais c'est ridicule. Je n'achetais pas Charlie Hebdo parce que bon, ça ne me plaisait pas, les styles graphiques. Mais c'est une question de style. Hein. Mais je respectais à fond les travail d'artiste, hein, hein, bien sûr. Mais pas parce qu'il y avait un attentat, je vais acheter maintenant le journal Charlie Hebdo. Je trouvais ça complètement ridicule. Ça me gênait trop de contradictions dans mon esprit. Donc, Alors vous n'étiez pas Charlie, parce qu'à l'époque, tout le monde devait être Charlie. Non. Comment on appelle ça, un slogan, comme une espèce de marque, non? Je ne sais pas pourquoi je vois tout que c'est comme une espèce de commercialisation de la douleur. En fait, je ne trouvais pas honnête de dire ça. Ou de mettre ces panneaux sur mon Facebook, en fait. Hein, non. Parce que moi, j'observe toujours hein, les gens. Par exemple, les femmes musulmanes qui baissaient la tête, des différentes réactions vers moi parce que moi, je suis blanche. Donc, voilà, il y avait des choses comme ça, une interaction différente à l'interaction que je vivais avant. Et vous aviez le sentiment, en croisant des femmes musulmanes, qu'elles baissaient la tête? Oui, j'ai eu ça, un épisode, c'était tout de suite après les attentats du 13 novembre. Je suis allée au supermarché. C'est pas qu'il a baissé la tête, sinon, en fait, on était dans la queue pour acheter les choses. Il m'a laissé passer, mais il voulait me laisser passer. Comme, s'est montré trop gentil, comme en disant, nous, les musulmans, on est des gentils. Mais je dis, madame, c'est pas besoin, j'ai la même quantité de choses que vous, s'il vous plaît, non. Et donc là, c'est là où il baisse la tête, il passe devant moi. Bon, ce type de choses... je suis passée dans des quartiers où il y a plus de musulmans et c'était plus gentil, mais c'est bonjour madame, est-ce que ça va? Oui, oui, bien sûr. J'avais l'impression qu'il faisait un effort pour se montrer gentil. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Et en plus, c'est drôle parce que moi j'ai une apparence d'européenne, mais je viens de l'Argentine. Donc c'est moi qui dois baisser la tête. Je sais pas, moi j'ai pensé ça. Alors vous dites que vous n'avez pas eu peur. Néanmoins, vous avez eu le désir de partir de cette ville, de quitter Paris. Ça, c'était le 13 novembre. Parce que justement, je ne voulais pas que mon fils grandisse dans son ambiance de peur, parce qu'il va être quelqu'un qui a peur de tout. C'était ça ma réflexion. Et aussi parce que, oui, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas donner mon fils à ce pays. Je ne mets pas que dans les collèges, l'école de mon fils dit oui, aujourd'hui on va faire une simulation d'attentat, on va préparer nos enfants pour savoir comment ils vont se cacher s'il y a un attentat. Je dis non, j'étais contre ça. Donc je voulais un lieu plus sain pour mon fils. Mais bon, j'avais plein de contraintes. Je ne pouvais pas aller vivre, je ne sais pas, à la campagne, nulle part. Hein, parce que d'abord, je n'aime pas la campagne. J'adore la ville, c'est ma façon de vivre. Et je ne pouvais pas m'éloigner, aller dans un pays de n'importe où, parce que bah voilà, mon fils il avait la famille ici, donc c'est important aussi. Donc bon, je prends la décision d'aller à Genève, donc je commence à prendre des contacts, parce que j'ai quelques amis là-bas. Je contacte les écoles, et c'était vraiment très facile. Donc je vais à Genève, et... C'est une très belle ville, mais c'est pas moi, ma place. Je trouvais pas ma place. Et là, j'ai senti que c'était vraiment idiot quitter Paris comme ça. Parce que c'est une ville que j'adore, en fait. C'est moi qui ai choisi de vivre ici. Après, je sais pas, avoir quitté l'Argentine, avoir vécu en Italie, en Suisse, je sais pas. J'ai décidé de venir vivre ici, c'est pour quelque chose. Donc voilà. Comment vous êtes accommodé de tous ces changements ? Dans une ville qui prend conscience que l'attentat est possible, et que donc on prend toutes ces mesures pour assurer la sécurité, pour surveiller, pour contrôler. Je ne sais pas si je me suis accommodée à ce changement. Bon, Paris, comme ville, c'est vraiment très visuel pour moi. Et ça, c'était encore comme une espèce de mise en scène, comme une espèce de scénographie. Et le contrôle, des fois, oui, des fois, non, c'était... Ça veut dire qu'on mettait en scène la sécurité ? Oui. Pour moi, oui. François Hollande, 13 novembre 2015. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Nous avons, sur ma décision, mobilisé toutes les forces possibles pour qu'il puisse y avoir la neutralisation des terroristes et la mise en sécurité de tous les quartiers qui peuvent être concernés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. Deux décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'Île-de-France. L'état d'urgence, lui, sera proclamé sur l'ensemble du territoire. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons, dans ces moments si difficiles, et j'ai une pensée pour les victimes, très nombreuses, pour leurs familles, pour les blessés, nous devons faire preuve de compassion et de solidarité. Mais nous devons également faire preuve d'unité et de sang-froid. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes, nous le serons. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur, nous saisir d'effroi. Il y a effectivement de quoi avoir peur, il y a l'effroi, mais il y a face à l'effroi une nation qui sait se défendre, qui sait mobiliser ses forces et qui, une fois encore, saura vaincre les terroristes. Jean-Marie Delarue, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je rappelle que historiquement, l'état d'urgence est né en 1955, au moment des premières manifestations de la guerre d'Algérie, qu'il a servi à plusieurs reprises durant ces événements, comme on disait alors, de la guerre d'Algérie. Et puis, il a été utilisé à plusieurs reprises en 2005, au moment des soulèvements des quartiers populaires dont on se souvient. Il a été utilisé aussi en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, aux îles Soulevant en Polynésie. Bref, 9 fois, je crois, avant 2015. La situation en 2015 a été jugée grave par le gouvernement et par conséquent, l'état d'urgence a paru être un des moyens de réponse à ces événements qui nous frappaient très gravement. Au fond, tout se passe comme si la démocratie n'est pas capable de se défendre. Je rappelle que depuis 1986, date à laquelle les premiers attentats contemporains, on va dire, ont frappé le sol français, il y a eu à peu près 18 lois antiterroristes. Et donc, est-ce que nous étions désarmés en 2015, même après le Bataclan, même après les mitraillages de terrasses, pour que nous ne puissions pas réagir ? Tout ça est très discuté et pour ma part, et avec la Commission consultative des droits de l'homme, nous avons pensé que non, il n'était pas utile de recourir à l'état d'urgence. Le résultat d'ailleurs est très maigre. De novembre 2015, date à laquelle a été déclaré l'état d'urgence, à mai 2016, il y a eu à peu près 3750 perquisitions. Il y a dû avoir là-dessus quelques dizaines de personnes poursuivies pour faits terroristes. J'ai souvenir même que c'est moins que ça, 1%, quelque chose comme ça. Bon, donc est-ce que il fallait entrer en force, si je puis dire, dans ces appartements, y compris la nuit, y compris d'ailleurs en se trompant d'étage, c'est arrivé bien souvent. En réalité, ce dont il faut convaincre l'opinion, c'est que ces mesures qui apparaissent très ciblées, destinées à rendre gorge au terrorisme, on va employer des mots très forts, en réalité, mettent en péril l'ensemble des libertés de la population française. Quand on vous dit, par exemple, qu'il faut autoriser les préfets à créer un périmètre de protection autour d'une manifestation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit artistique, qu'elle soit tout ce qu'on veut, sportive, et que dans ce périmètre, on pourra fouiller qui on voudra, on sait bien que cette autorisation donnée à l'état d'urgence a servi essentiellement pour la COP21, vous savez, cette grande négociation diplomatique sur le climat qui se déroulait en décembre 2015, a servi au moment de d'autres événements qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Donc on voit bien que c'est chacun d'entre nous qui est visé en réalité, puisque vous entrez dans un périmètre en voiture, on va vous fouiller votre voiture, et si vous voulez pas, parce qu'il faut votre accord, on vous reconduira en dehors de ce périmètre et on vous interdira d'y rentrer. Et même chose pour la possibilité de vous assigner à résidence, ça c'est aussi une mesure que permet l'état d'urgence, qui vous oblige à résider dans un lieu déterminé, à pointer au commissariat de police jusqu'à 3 fois par jour, pendant une durée qui est de 6 mois et qui peuvent être renouvelées d'une durée égale. Donc tout ça sont des mesures qui ne sont pas tout à fait anodines, mais que, je crois, l'opinion ne voit pas parce qu'elles sont techniques, et si elle les voyait, elle serait persuadée que ça n'est pas elle, l'opinion, qui est visée, c'est les méchants, c'est les terroristes, et ça n'est pas tout à fait le cas. 2017, nouveau président, nouvelle assemblée, cette loi d'exception rentre dans le droit commun. Le quinquennat actuel a commencé par proroger à nouveau l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Et au total, il a duré 2 ans, alors que je rappelle que l'état d'urgence prévoit initialement qu'il doit durer 12 jours. C'est une durée très brève qui correspond à un état de crise. Et ces prorogations successives montrent bien qu'en réalité, c'est un instrument inadapté à la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte de longue haleine. Et puis intervient une loi qui est la loi du 30 octobre 2017 qui consiste à incorporer dans le droit commun les mesures exceptionnelles accordées par l'état d'urgence. Et donc tout ce que j'ai indiqué sur la perquisition, sur le périmètre de protection, sur les fouilles des voitures, etc., tout ça se retrouve dans le droit commun. Alors il y a eu quand même quelques petites amodiations, parce qu'on a senti qu'on ne pouvait pas, comme ça, continuer à investir, à donner à la police des pouvoirs tout à fait extravagants. Et donc, on a réintroduit dans ces mesures le rôle d'un magistrat judiciaire qui est le juge des libertés de la détention. Donc, on réintroduit un petit peu de rôle du magistrat judiciaire dans une mesure attentatoire aux libertés, ce qui est la norme, hein, c'est la règle d'une démocratie. Mais sur le fond, les mesures sont les mêmes. Et même, elles vont peut-être quelquefois plus loin. On dit par exemple que on peut prendre des mesures de surveillance particulières, c'est plus une assignation à résidence, mais ça peut être un bracelet électronique par exemple, pour des personnes dont le comportement laisse penser qu'ils sont coupables de quelque chose. Et ce coupable de quelque chose, c'est pas seulement le terrorisme, ça peut être aussi la discrimination par exemple. Et donc si vous tenez un discours véhément discriminant, on peut vous poursuivre et vous soumettre à une mesure de surveillance particulière. Ça n'était pas dans la loi état d'urgence. Et puis je voudrais insister sur un point. Dans le code pénal traditionnel, on vous poursuit parce que vous avez fait quelque chose. Or aujourd'hui, dans les textes qui existent, il suffit de dire que c'est quelqu'un dont on a des raisons sérieuses de penser qu'il est coupable de quelque chose. Les raisons sérieuses de penser, qu'est-ce qui les apprécie? C'est la police, naturellement, qui a les moyens d'enquêter, de dire si quelqu'un est coupable ou pas. Et le juge des libertés et de la détention, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire oui dans la quasi-totalité des cas, parce qu'il n'a pas les moyens de contredire la police. Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Alors comment se fait-il que vous êtes montée au créneau au syndicat de la magistrature? Il y a Mireille Delmas-Marty qui s'est exprimée, il y a le défenseur des droits, il y a Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme. Comment se fait-il que personne ou très peu de gens aient relayé votre campagne en disant « attention, on est en train de faire basculer la démocratie dans autre chose ». Je pense que c'est parce que Dans le discours politique, on s'appuie sur une émotion qui est encore une fois légitime de peur, de crainte par rapport à des actes terroristes. Et c'est ce discours-là qui, pour l'instant, effectivement, convainc, quand on n'est pas forcément en plus juriste et aguerri par rapport à ces questions-là. C'est un discours qui peut effectivement paraître logique. Les parlementaires ont essayé, par exemple, de s'organiser, de créer des commissions pour suivre ces législations, leur évolution, l'état d'urgence, etc., voir quelle en était l'efficacité. Ils ont pu dire que c'était pas efficace et que ça servait à rien. Et pourtant, quand on est allé voir les parlementaires, parce que les syndicats de magistrats et d'autres professionnels ont été entendus par les parlementaires, quand il s'est agi de faire rentrer l'état d'urgence dans le droit commun, il n'y avait pas, quasiment pas, une formation politique pour écouter ce qu'on avait à dire. Parce qu'on leur faisait tout un exposé sur les dangers, le glissement, la police administrative qui prend le pas sur le droit à la sûreté des citoyens, le droit pénal qui devient une espèce de fourre-tout dans lequel on peut tout faire entrer. Ils nous écoutaient, ils comprenaient. Et puis à la fin, ils nous disaient « oui, mais c'est le terrorisme ». Voilà. Donc effectivement, du point de vue du pouvoir politique actuellement, il est extrêmement difficile de convaincre. Non pas, je pense, parce que tout le monde est complètement à côté de la plaque, mais parce que il y a un moment donné où l'argument final, ça va être « oui, mais c'est le terrorisme ». C'est pas un argument ? Ben non, c'est pas un argument, parce que ces parlementaires ont eux-mêmes constaté, quand ils ont suivi l'état d'urgence, qu'à la fin, ça ne servait plus à rien. Donc, c'est pas un argument. Enfin, ça ne peut pas être un argument, ça ne peut être qu'un argument de discours politique, mais pas un argument de réalité. Vous saluez l'apparition de ce parquet national antiterroriste ? Non, on avait critiqué cette proposition, enfin en tout cas l'annonce qui a été faite par la ministre de la Justice de la création de ce PNAT. Ça ne sert à rien. Il y avait un parquet spécialisé, donc par rapport à l'existant, je veux dire, on n'ajoute rien. Plutôt, on enlève quelque chose, puisque avant, le parquet national antiterroriste faisait partie intégrante du parquet de Paris. Il avait les mêmes compétences que le PNAT aujourd'hui, c'est-à-dire une compétence nationale. Il avait un nombre de magistrats qui faisaient que c'était un service qui était important. Et il pouvait appeler à la rescousse les autres parquetiers du parquet de Paris quand il y avait effectivement quelque chose de dramatique qui nécessitait beaucoup de moyens. Donc il y avait une organisation à laquelle le PNAT aujourd'hui n'apporte rien, à part de mettre un nouveau visage qui, alors avant c'était le procureur de Paris, mais il n'était pas que le procureur national antiterroriste, maintenant on a carrément un nouveau visage. D'ailleurs, on commence à en voir un peu les effets dans la presse, puisqu'il y a plusieurs médias qui ont, en parlant de la conférence de presse du procureur national antiterroriste, l'ont appelé le préfet national antiterroriste. Ce lapsus des médias est quand même assez révélateur. C'est aussi une espèce de personnalisation qu'on veut mettre. On veut mettre des hommes, des visages de qui seraient en quelque sorte de nature à rassurer les gens en disant, voyez, on a un combattant qui vient effectivement lutter contre le terrorisme, etc. Tout ça, ça ne va pas dans le sens d'institutions qui réagissent calmement. La justice, c'est pas une institution où on va mettre des têtes de gondole pour dire on va lutter contre le terrorisme, etc. C'est pas ça l'institution judiciaire. Et donc, outre que ça ne sert à rien par rapport à la situation actuelle, il nous semble que c'est pas une bonne évolution. Ouais, mais c'est le terrorisme. Oui, effectivement, c'est exactement ça. Merci à Léa, Inès, Marion, Carole, Katia Dubreuil, Jonas Pariente, François Vauglin, Jean-Marie Delarue et Denis Péchanski. Merci également à Mireille Delmas-Marty, Françoise Rudetsky, Loïc Vels, René Simon, Fabienne Brosseau, Sophie Lemaire, Christophe Molmy, Francis Eustache, Guillaume Veva, Sébastien Lascou, Estelle, Caroline Langlade, Anna Hartmann et à toutes les victimes des attentats que nous avons rencontrés à Paris et à Nice. Merci enfin à tous les membres de l'association Life for Paris, à ceux de l'AFVT et de la FENVAC. C'était Vivre avec le terrorisme, rien n'est plus comme avant. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Carvran. Mixage Alain Joubert. Réalisation Séverine Cassard. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire.